Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 97e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut à toutes et toutes, la tribu, c'est Spike, et je débarque comme toutes les semaines sur votre radio favorite, c'est la Vampire Freaks. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages et dédicaces que vous m'avez laissés la semaine dernière. Il va y en avoir d'autres, des dédicaces là, durant l'émission en cours. On commencera tout de suite avec Sort des griffes de Trust. C'est sur l'album Répression, leur deuxième album sorti le 30 mai 1980. On retrouve Antisocial, Instinct de mort, Le Mitard, un excellent album. On continuera avec Braving the Seas de Mirat. C'est sur l'album Tales of the Sand, sorti le 27 septembre 2011. Ils sont turcs. On retrouve Under Siege, Merciless Time et Beyond the Stars. Allez sur la page Facebook de Mirat, ils sont sur YouTube et toutes les plateformes égales. On continuera avec une nouveauté, Portrait d'époque de Faisal, c'est sur l'album L'Or du commun, sorti le 10 juin 2013. Bon, il n'est pas tout à fait nouveau, mais je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps celui-là. On retrouve Lettre de noblesse, Mes points d'interrogation et Le sourire de Kitano. Allez sur la page Facebook de Faisal, il est sur YouTube et toutes les plateformes légales. C'est du très bon rap français, même si je suis pas très rap français, lui il a du très bon texte. On continuera avec Cushy Eye de Winston McAnuff, c'est sur l'album Pick It's to Click, sorti en 1978. On retrouve Garvey's Version, Ugly Days, Electric Dread, du son reggae culte. On continuera ensuite, on finira du moins ces blocs en live avec Snowblind de Black Sabbath. C'est une dédicace pour Nelson de Montpellier. C'est sur l'album Volume 4, leur quatrième album. Ce fameux quatrième album qu'on appelle aussi le Snowblind Album à cause de toutes ses références à la cocaïne. Il est sorti le 25 septembre 1972. On retrouve Tomorrow's Dream, Changes et Under the Sun. Tu joins tes poings et tu contiens ta haine. Tu es sorti, retour à la vie. Il faut te racheter, prix de ta liberté. Ils t'ont dit non à l'agence de placement. Ça t'a surpris, t'attendais plus à des gens. T'estimes avoir payé et t'es humilié. Comme ça toute ta vie tu seras poursuivi. Bouge, redresse-toi et bouge. Défends-toi, on parle autour de toi. Tu vas peut-être braquer et recommencer jusqu'à ta mort prisonnier de ton passé. Une dernière plainte, tu veux réagir. Tu ne veux pas croupir, tu ne veux pas pourrir. Ils t'ont laissé sortir mais sans y penser. Tu rôdes dans la rue, tu te déplaces en cage. Un jour ils te serreront pour te faire replonger. Dans une orgie de sang tu vas riposter. Bouge, redresse-toi et bouge. Défends-toi, on parle autour de toi.

money. Vous êtes toujours dans la 97e Vapeur Afrique, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'attaquer fort là. Sort tes griffes de Trust, Braving the Sea de Mirat, Portrait de l'époque, le nouveau Faisal, Cushy Eye de Winston McAnuff, et on a fini ce bloc en live avec Snowblind de Black Sabbath. On continuera cette émission avec Crisis of Disorder de Creator. C'est sur l'album Cause for Conflict, leur 7e album sorti en juillet 1995. On retrouve Catholic Despot, Lost et State Oppression. On continuera avec Un pan en avant de J'aurais voulu, c'est sur l'album Partir sans dire adieu sorti le 4 novembre 2013. On retrouve PUNK, Une pensée, pour les miens notamment. Un excellent album. Allez sur la page Facebook de J'aurais voulu, YouTube, ils sont sur toutes les plateformes légales. On continuera avec un petit classique, School Days de Runaway, c'est sur l'album Waiting for the Night, leur 3e album sorti le 1er octobre 1977. On retrouve Little Sister, Wasted et Don't Go Away. On continuera avec une nouveauté, Strange Dream de le nouveau Stellar Temple, c'est sur l'album Domestic Monster sorti en 2016. On retrouve Fucking Miles Away, It Is So Beautiful et Ellie Days. Allez sur la page Facebook de Stellar Temple, Bandcamp et toutes les plateformes légales. Et on continuera avec. On finira du moins ce bloc avec I Can't Stand It en live de Alton Ellis. C'est sur l'album Mr. Soul of Jamaica qui deviendra par la suite son pseudonyme, son surnom, Alton Ellis, Mr. Soul of Jamaica. Sorti en 1974, on retrouve I Can't Stop Now, Remember That Sunday et Willow Tree du son culte. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. loving soul. I've got the thing that's to rock your soul. I can't stand it. Thank you very much. Merci, remember this. First time in Bordeaux. I worked in Paris before. Vous êtes toujours dans la 97e, un peu Afrique, si c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Crisis of Disorder de Creator, Un pas en avant de Jour évolu, School Day, le classique des Runaways, Strange Dream, le nouveau Stellar Temple, et on a fini ce bloc en live, avec I Can't Stand It avec, de Alton Ellis. On continuera cette émission avec Misery de Janis Joplin, c'est carrément du son culte culte. C'est sur l'album Genesis, qui est un very best of 56 titres réédités récemment. On retrouve Bye Bye Baby, Little Girl Blue, Trust Me et plein d'autres. Il est sur Deezer notamment, du son culte. On continuera avec une nouveauté, État d'urgence, le nouveau Vex. C'est aussi le titre de ce superbe P4 titre qui vient de sortir dernièrement. On retrouve État d'urgence, ces amants-là, je comprends plus et il faudra bien. Allez sur la page Facebook des Vex, ils sont aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. C'est du très très bon son. Un petit coucou à Julien, le manager, en même temps. On continuera avec un autre petit classique. Cotton Needs Picking de Ray Cooder, c'est sur l'album Crossroads, sorti le 16 avril 1986. On retrouve Down in Mississippi, Viola Lee Blues et Feeling Bad Blues avec Harlem Roth et Steve Vai notamment pour la collaboration de cet album. On continuera avec une autre nouveauté, La Meute de le nouveau Barricade, c'est sur l'album Sans Titre, sorti en mai 2017. On retrouve Cannibal, Pense à moi, Sans Titre 1, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Barricade, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live, avec Viens voir de Tiken Jafakoli. C'est sur l'album Live à Paris, sorti en 2008. On retrouve Le Balayeur, Politique Ibelele, Africain à Paris, un magnifique album. I tried, cried, cried, you know how I cried, and

L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. qu'il y a des gens dans la salle qui ont été en Afrique, qui ont visité l'Afrique? Ouais, ah, c'est trop cool. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de porte-parole. Ah, qu'est-ce que c'est bon, Stick & Jean Live. Vous êtes toujours dans la 97e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire du culte, là. Miserine de Janis Joplin, État d'urgence, le nouveau Vex, Cotton Needs Speaking de Ray Cooder, et oui, ça slide à max ce soir dans la VF. On écoute ensuite La Meute, le nouveau Barricade, et on a fini ce bloc avec Viens voir en live de Tiken Jafakoli. On continuera cette émission avec une nouveauté, Kick in the Eye, le nouveau Nelly Olson. C'est sur l'album de Surface Is Too Close, The Bottom Is Too Deep, sorti en juin 2017. On retrouve Never Satisfied, Time Is Hard for White Collar, The Lost Word, Allez sur la page Facebook de Nelly Olson, ils sont aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, Riviera, le nouveau Smokehead, c'est sur l'album From the Abyss, sorti en juin 2017 aussi. On retrouve Crave, Black and White et Let Me Down. Allez sur la page Facebook de Smokehead, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre connerie, allez, Morshen se déchaîne. La Moustafette de Carly Tekabok, c'est sur l'album Musique d'ascenseur pour Cage d'escalier, sorti en 2010. On retrouve J'ai pas de sous, C'est pas de la carotte et Parti, ils font plus rien, c'est juste moi qui dis me déchaîne. On continuera avec une nouveauté, Fucking Father de Bliss, c'est sur l'album Out of Nowhere, leur premier EP, 6 titres. On retrouve Riot, Sid, Fucking Father et Nightlight, partie 1 et 2. Ils sont sur Facebook, Bandcamp. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et on finira ce bloc en live avec Le Petit Chemin de Réglisse. C'est sur un live 2010 pour les 20 ans du premier album. On retrouve Le Comptoir, Mets de l'huile et Le Rocher. Moi, j'aimerais tellement qu'ils refassent un truc parce que moi, je les aimais bien, Réglisse. Hein. Moi, je les aimais bien. feel good, I feel good, I feel good, I feel good, I am home. The world falls down, and that's okay, 'cause we've got sun, crimson wheat game. No heaven's not between the clouds, nothing compares, we'd be here last. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qui est-ce qui a fait ça? J'appelle les flics. Savoir ce que tu fais, c'est la moustafette. Qui c'est qui est payé pour rouler à 30 toute la journée, c'est la moustafette. Qui c'est qui t'embrouille dès que tu mets le pied dehors, c'est la moustafette. À cause de qui tu peux même plus conduire, fonce des 3 moustachus dans une estafette, toujours prêt pour niquer ta fête. C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Surtout si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolémie et ton te chier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça saute à la gueule comme une grosse bête, un monstre chelou avec 3 têtes. 3 moustachus dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi, c'est la moustafette. 3 moustachus dans une estafette. Qui c'est qui a pas fait assez d'études? C'est la moustafette. Qui c'est qui t'arrête tous les 100 mètres? C'est la moustafette. C'est quoi le contraire du respect? C'est la moustafette. C'est quoi la bagnole que j'aurais jamais? C'est une moustafette. Polie comme un mec qui pète à table. C'est la moustafette. Qui est compréhensif comme un feu rouge. C'est la moustafette. Vieux képi cherche jeune casquette. C'est la moustafette. Et peut-être même plus si affinité ou. C'est la moustafette. Une bête à 3 têtes qui te bouffe la tienne. C'est la moustafette. 3 moustachus dans une estafette. La moustafette. Regarde qui c'est qui arrive. Au début je voulais rien prendre mais ouais. Balance tout ton shit et fais ton bouquet, balance. Au bord de la route qu'on vit partir, quand tu la vois ça te fait souci. Tu sais que dedans y'a 3 blaireaux et qu'ils sont pas là pour fumer un bédo. Si elle t'attrape elle va pas te lâcher, jusqu'à son nid elle va te ramener. C'est ton cerveau qu'elle veut manger, mais sur ce morceau tu peux te venger. 3 moustachus dans une estafette, toujours prêt pour niquer ta fête. 3 moustachus dans une estafette, sont toujours là pour niquer ta fête. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon.

et de zigzaguer, ça fait le chemin plus long, forcément, et ça donne un soif. Allez, c'est ma tournée au comptoir, allez, tournée générale. Il n'y a pas de problème à la vôtre, les réglisses. Vous êtes toujours dans la 97e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bloc extra. Kick in the Eye, le nouveau Nelly Olson. Riviera, le nouveau Smokehead. Allez sur la page Facebook de Nelly Olson. Allez sur la page Facebook de Smokehead. On a continué ensuite avec la Moustaphette de Carly Tekabok. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une dédicace pour mon neveu Liam qui a eu 9 ans la semaine dernière. C'est sa chanson préférée. Et on a continué ensuite avec Fucking Father, le nouveau Bliss. Et on a fini ce bloc en live avec Le Petit Chemin de Réglisse. On continuera cette émission avec un samedi soir. C'est le nouveau Arnaud Futur sur l'album Cannibal sorti en mai 2016. On retrouve Black Spider, Je Rêve dans le RER, Garage Band. Il sera en concert à la Maison pour tous de Chadrac le 28 octobre prochain. Je serai sur place pour interviewer les groupes. Et bien sûr, il y aura une émission spéciale du collectif de l'œuvre de Pierre. Mais ça, on en saura plus après le 28. On continuera ensuite avec du classique Sarah Jane de Bob Dylan. C'est sur l'album Dylan, sorti en 1973. C'est une compilation de chansons inédites enregistrées pendant les sessions d'enregistrement de Self Portrait et New Morning et qui ont été parues contre la volonté de Dylan quand il est parti de chez Columbia. Heureusement que j'ai pas un label et que je règle chez moi. On continuera avec Les Oubliés de ADX et sur l'album Non Serviam sorti le 10 juin 2016. On retrouve La Mort en Face, La Complainte du Déméter et Non Serviam, un magnifique album. On continuera avec un classique Forward Ever, Backward Never, Avance Toujours et Ne Recule Jamais de Jacob Miller. C'est sur l'album Song Chapter a Day sorti le 14 septembre 1999. On retrouve Forward Jaja Children, Standing Firm et Once Upon a Time du son culte. Et on finira ce bloc en live avec Roxanne de Police. C'est sur l'album Live, le double album sorti le 29 mai 1995. On retrouve So Lonely, Can't Stand Losing You et Tea in the Sarah notamment. Le dernier album, ben, il n'est pas terrible, il paraît. Je ne suis pas là par hasard. Bertrand est toujours en plastique. Ça me plaît vraiment, vraiment pour lui. Poupée de cire, poupée qui fait non. Catherine peut couper le sang. Un samedi soir, rue des martyrs. J'ai la soif d'un vampire. D'un aspotique près du bar. Je ne suis pas là par hasard. La cousine de Rosemeyer vient m'abreuver de sa pression. Son sévice est assuré tout en haut de son balcon. Un samedi soir, rue des martyrs. J'ai la soif d'un vampire. Tel un smoothie près du bar. Je ne suis pas là par hasard. Un samedi soir, rue des martyrs. J'ai la soif d'un vampire. Tel un smoothie près du bar. Je ne suis pas là par hasard. La rage qu'elle contre la machine, antisociale ou de parti. Sur la route de l'enfer, qui deuillant mauvais esprit. Monter le son, mettre la pression, faire fondre les glaçons. Quand un ange sur du balcon, c'est la fin de la dérision. Un samedi soir, rue des martyrs. J'ai la soif d'un vampire. Tel un spoutique près du bar. Je ne suis pas là par hasard. Un samedi soir, rue des martyrs. J'ai la soif d'un vampire. Tel un spoutique. pas là par hasard. Samedi soir, dès la boutique près du bar, je ne suis pas là par hasard. Un samedi soir, un samedi soir, un samedi soir. Shoot them rebels, my gun's steady, gonna hold it level. Sarah Jane, Sarah Jane, Sarah Jane, ain't nothing to do but to sit down and sing and rock about my Sarah Jane. I'm gonna take a trip on the big back mill in Sarah Jane. Sarah Jane, Sarah Jane, ain't nothing to do but to sit down and sing and rock about my Sarah Jane. your discipline. That's what true justice will celebrate. Sing them a song of culture. I miss it singing them songs of love. I miss it singing them a song of a culture. I miss it singing them a songs of love. I miss it for a word ever run about the world never. For a word ever on a bar. About word never, about word never, about word never. Oh, yeah. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Rocks! You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Merci la foule. On vient de s'écouter Un samedi soir de Arnaud Futur, le nouveau Arnaud Futur, Sarah Jane de Bob Dylan, Les Oubliés de ADX, Forward Ever, Backward Never de Jacob Miller, et on a fini ce bloc en live avec Roxanne de Police. Cette 97e Vampirefix touche malheureusement à sa fin. On finira avec le retour du Shit Squad de la Funky Family, du troisième œil à Yam. C'est extrait de la compile Le Hip-Hop Français Repose en Paix, sorti en 1999. On retrouve la Funky Family avec les Bad Boys de Marseille, Cut Killer avec la haine, Ayam avec Petit Frère, et c'est une dédicace à Johan, Gaëtan, Jérôme et tous les copains de Bar-sur-Loup qui ont bien grandi depuis, que c'est avec eux que j'ai découvert le monde du hip-hop et que j'ai découvert le Ayam, tout ça. Je les remercie parce qu'ils ont fait une bonne partie de ma culture. Et donc je vous laisse à la semaine n'oubliez pas, le 28 octobre, je serai à partir de 20h30 à la Maison pour tous de Chadrac pour le concert de Arnaud Futur, Void et Foxhole. La prévente c'est 8€, sur place c'est 10€. Il y a restauration sur place. Moi je ferai la bagarre, je serai à la sécu. Et donc du coup, à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampirefix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Et retrouvez-nous sur archive.org. Dans la quête sans zigzaguer, vous aguez, les bosses bien gay. Je suis délégué du shit squad, amigo bingo. Si tu tiens jusqu'à la fin du camp, nous sommes tous des James Bond. Shit sous les hommes, ce qu'un compote, ça laisse KO. Comme vous disiez à pomper direct en pharo. Batman, Batman, ami de boss. Soit les Mariana, Marie-Jeanne Luciano, réaliste, on veut. Si tu veux, on fume toi la vie, mon vieux. Un peu de Marseillais si tu perds les cheveux. Shit squad, tonton et ses neveux pour les nerveux. Bienvenue dans Hachichichi morveux. J'échange mes sticks seulement contre une femme, style Nefertiti. Fais fumer la FF, tonton, j'ai fini. T'as pris ton pack et ta femme avec toi, marijuana. Bien roulé que tu tires entre tes doigts, quoi. L'atmosphère sans fume, fume le shit squad et pas de flim sur ça. La Pumba, si ça te dit, pense au choco de Maxi comme si. Une armada de fumeurs de ganja se dispute le contrat. Hey Batty Boy, tu veux rouler avec le squad? Ce n'est pas un fan club de Ease, mais un putain de shit squad roulé entre deux feuilles de riz à quoi. Original bad boy pour le skis fizz. Pas de paix en soirée avec les DJ, fait tourner.